Section 42 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurence Alvetti. Chapitre 10, deuxième partie. Jusqu'à l'insurrection de Florence, 1343, par Pietro Orsi. Les Guelfes et les Gibelins, Louis de Bavière. Si l'Église et l'Empire s'étaient effacés, les intérêts qui s'étaient groupés autour d'eux ne disparurent pas de suite. Ils restèrent en présence et continuèrent la lutte pour leur propre compte. Les partis s'appellent encore Guelfes et Gibelins, mais ces noms ne sont plus que des mots de ralliement. Les intérêts du pape et de l'empereur n'y ont plus rien à voir. La Ligue Guelfe, formée à Florence contre Henri VII, lui survécut. Avec le roi de Naples à sa tête, elle semblait devoir conquérir la suprématie. Mais les Gibelins eurent le bonheur de compter de vaillants chefs et d'habiles capitaines, comme en Toscane, Uguccioni della Faginola, et après lui Castruccio Castracani, seigneur de Luc, et, dans la Haute-Italie, Matteo Visconti, seigneur de Milan, et Can Grande della Scala, seigneur de Vérone. Un épisode de cette lutte entre les deux ligues fut le siège de Gênes. Depuis quelques années, Gênes était le théâtre de discordes sanglantes. Les familles guelfes des Fieschi et des Grimaldi, ayant fini par prendre le dessus, chassèrent les familles gibelines des Doria et des Spinola. Celle-ci avait demandé secours aux autres gibelins d'Italie et tenté de rentrer à Gênes par la force. Les Guelfes eurent recours au roi Robert, qui se rendit en personne à Gênes. Il semblait que toute l'Italie s'y fût donné rendez-vous. Les deux parties se combattirent longtemps sans jamais remporter une victoire décisive. Enfin, Robert força les gibelins à lever le siège. 1319. Après ce succès, le roi Robert se crut en position de réaliser l'ancienne ambition de sa famille, la domination sur toute la péninsule. Il se rendit à Avignon pour s'entendre avec le pape Jean XXII sur les moyens d'abattre les gibelins dans l'Italie du Nord. Le pape y envoya, en qualité de légat, son neveu, le cardinal Bertrand du Poyet, qui prêcha une croisade anti-gibeline. La mort de Matteo Visconti, 1322, favorisa les progrès des Guelfes. Les gibelins appelèrent à leur secours Louis de Bavière, qui fit sa descente impériale en Italie. Il y séjourna 2 ans et, en décembre 1329, il quittait la péninsule où personne ne lui obéissait plus. Descente de Jean de Bohême. Dans cette même année, 1329, Can Grande della Scala était mort à l'apogée de sa puissance. Ses domaines passèrent en héritage à ses neveux Martino et Alberto. Ils virent le siège devant la cité guelfe de Brescia. Celle-ci demanda protection à un prince qui avait grande renommée de chevalier vaillant et généreux, Jean de Bohême, fils de l'empereur Henri VII. Jean, qui se trouvait à Trente, accueillit cet appel, délivra Brescia et y fut acclamé seigneur. Il dompta les partis et rétablit la paix. Plusieurs autres villes imitèrent l'exemple de Brescia. Bergame, Crémone, Pavie, Vercelles, Novare, Parme, Modène, Reggio proclamèrent Jean comme leur seigneur. Ce fut une grande émotion dans toute l'Italie. Les uns disaient que le roi Jean était venu en Italie envoyé par l'empereur. Les autres le croyaient un envoyé du pape. Lorsque Jean eut une conférence secrète avec le cardinal légat Bertrand du Poyet, les soupçons augmentèrent. Il se forma contre lui une ligue qui s'inspirait non plus des vieilles idées guelfes ou gibelines, mais d'une nouvelle idée politique, celle de l'équilibre. À cette ligue adhérèrent les Scaligeri de Vérone, les Visconti de Milan, les Est de Ferrare, les Gonzague, nouveaux seigneurs de Mantoue, où ils avaient remplacé les Bonacolsi, la République de Florence et le roi de Naples. Le changement de politique qui se révéla dans cette ligue surprit les contemporains, encore habitués à voir les deux factions acharnées à la destruction l'une de l'autre, et Jean Villani, dans ses chroniques, s'écrit « observe, lecteur, quel nouveau changement de siècle. Le roi Robert, chef du parti de l'Église, et la République guelfe de Florence forment alliance avec les plus grands tyrans gibelins de l'Italie. Cette ligue, qui fut louée par les uns et blâmée par les autres, aboutit cependant au salut de la ville de Florence et à la confusion du roi Jean et du légat. En effet, Jean de Bohême, environné d'ennemis, dut renoncer à toutes ses possessions italiennes. 1333. Le légat perdit Bologne et le peu de conquêtes qu'il avait faites en Romagne. Ceux qui retirèrent le plus grand profit de cette guerre furent les Della Scala, mais leur puissance même fut cause que Florence, les Estes, les Gonzagues, les Visconti et la République de Venise, qui commença alors à s'immiscer dans les affaires de terre ferme, formèrent une ligue contre eux. Massilio de Carrara trahit la confiance des Scaligeri et reçut des confédérés la ville de Padoue, où il fonda la seigneurie de sa famille. La guerre finit au désavantage des Scaligeri, dont les domaines furent limités aux villes de Vérone et de Vicence. Lucques fut parmi les villes que les Scaligeri durent céder. Florence désirait l'occuper, mais elle lui fut disputée par les Pisans. De là naquit une guerre entre ces deux républiques toscanes. Elle finit par la victoire des Pisans. Tyrannie du duc d'Athènes à Florence. La perte de Lucques ralluma les discordes civiles des Florentins. Accusant d'incapacité leurs gouvernants, ils élurent comme protecteur de leur république Gautier, duc d'Athènes et comte de Brienne, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus. Ce prince, d'origine française, avait été élevé dans le royaume de Naples, était venu jadis à Florence comme représentant du fils du roi Robert, Charles de Calabre. Il avait alors laissé dans la ville un bon renom. Devenu protecteur de Florence, il suivit le courant de l'époque et l'exemple de nombreux tyrans qui s'étaient rendus maîtres des autres villes italiennes. Il flatta les grands et la populace et réussit à se faire proclamer seigneur à vie. 1342. Mais il ne sut pas contenter l'amour-propre des Florentins qui auraient voulu prendre leur revanche sur Pise. Au contraire, il conclut tout de suite la paix. D'autre part, sa tyrannie ne tarda pas à devenir insupportable à toutes les classes de citoyens. Bientôt, il se forma contre lui trois conspirations, à l'insu l'une de l'autre. Le 26 juillet 1343, toute la ville fut en armes. On donna l'assaut au palais de la seigneurie, et Gautier dut abdiquer et quitter la ville. Plus tard, il se retira en France, où il se fut tué à Poitiers. 1356. Les mercenaires et les condottieri. Dans les guerres de cette époque s'était introduit l'usage des troupes mercenaires. Les gouvernements les prenaient à leur solde au moment de la lutte. Quand la guerre cessait, elles étaient licenciées. Or, ces gens, tout adonnés au métier des armes, devaient naturellement chercher à en vivre. Ils se groupaient sous le commandement de quelques chefs audacieux et parcouraient le pays en le pillant. Ce fut ainsi que se formèrent les compagnies di Ventura, composées dans le principe d'étrangers qui étaient venus en Italie avec Louis de Bavière et Jean de Bohême et qui n'avaient plus quitté la péninsule. Celle qui laissa les plus tristes souvenirs fut celle qu'on surnomma la Grande Compagnie, commandée par Guarnieri, duc de Ursingen, et qui s'était formée précisément après la paix entre Pise et Florence en 1342. Ces bandes furent plus tard organisées avec un peu plus d'ordre et de discipline sous des chefs appelés condottieri. Elles finirent par remplacer toute autre espèce d'armée. Pendant que les citoyens perdaient les habitudes guerrières qui avaient jadis assuré leur indépendance, ces aventuriers faisaient du métier des armes une spéculation, changeant 20 fois de drapeau, combattant un jour la cause qu'ils avaient servie la veille, toujours prêts à passer sous les bannières de qui les payait mieux. Ainsi, la guerre devenait uniquement une industrie. Fin de la section 42.